prend la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue. Quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, monsieur le président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, monsieur le président. Micro ouvert. Eh bien, on se retrouve, le micro ouvert se retrouve au Jardin Passion. Alors là, vraiment, c'est rigolo, j'explique vite, comme ça les gens comprennent un peu la situation. Donc, toi, ici, Marie-Noëlle Herban, mais je vais t'appeler Mano, on ouais. t'appelle comme ça, hein, Mano, qui est en face de moi, j'ai perdu mon fil maintenant. Tu écris un message sur le réseau. Moi, je lis ce message et je me dis, oh, j'ai envie de rencontrer cette dame. Mais évidemment, chaque fois ça se passe comme ça, je ne vais pas d'abord vérifier qui tu es, ce que tu fais, même. Enfin voilà, je lis le message, je dis, oh, mais j'ai envie de rencontrer cette personne. Et il fait que cette personne est la directrice bénévole du théâtre Jardin Passion à Namur. Voilà, et on s'est déjà croisés, on a des connaissances comme ça, donc voilà, j'avais envie de préciser ça. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Tu peux rajouter quelque chose ou... Ben, je ne suis pas seule à la direction. On est 5-6 passionnés. Et voilà, on a fondé ce théâtre il y a plusieurs années. Et donc voilà. Et donc c'était un lieu chouette pour se rencontrer. Et puis c'est trop bien puisqu'on s'est déjà rencontrés au préalable. Donc c'est les surprises de la vie. Ouais. Ben donc voilà. Et ce qui est chouette, c'est que tu relises. Ça tombe. Tu l'as déjà relu, ton message? Pas vraiment depuis que je l'ai écrit. Mais alors j'espère que je vais... Parce qu'à chaque fois que quand je le relisais pour un peu l'orthographe et tout ça, à chaque fois j'ai les larmes qui montent encore. Enfin, ouais. Je vais voir que ça... Normalement, ça devrait aller. J'ai vraiment la rage. Je le lis. Donc, rage au cœur. Sous les conseils de plusieurs amis, je suis allée au cinéma voir le biopic sur Simone Veil. Comme beaucoup, j'ai été surprise du nombre de ses combats. Elle s'est battue afin que les humains et les humaines restent humains et humaines. Pour tous ceux et celles mis au ban de notre société, les rejetés, ceux et celles dont la douleur se cogne aux parois de la surdité. À la sortie de la séance, en bas de l'escalier, j'ai été bloquée par une personne portant un t-shirt sécurité. Ancré sur la marche, il ne bougeait pas. Il attendait qu'un monsieur qui faisait la manche se lève. Il ne bougerait pas avant que ce monsieur qui était simplement assis en tailleur avec sa casquette devant lui ne disparaisse. Sans doute pour ne pas déranger les bourgeois, bourgeoises cultivées que nous sommes. Celles et ceux qui s'offrent une belle soirée de cinéma, la misère fait toujours mauvais genre. J'arrive à le dépasser. À cet instant, mon cerveau est rempli de questions empreintes du film. Mes yeux sont pleins de larmes, mon cœur est écœuré de la cruauté, tout s'entrechoque en moi. Mon sang ne fait qu'un tour. Je cherche quelques pièces perdues dans mon sac et, miracle, je mets la main dessus. Je les donne au monsieur et j'entends cette phrase sortir de la bouche du monsieur de la sécurité. « Madame, ne l'encouragez pas. » Mes larmes débordent. Comment, après le film que je viens de voir, comment accepter cette phrase « Ne l'encouragez pas ». Comment en est-on arrivé là? Comment notre société stagne-t-elle encore à cet endroit-là? Les dernières années que nous avons passées et celles que nous vivons sont difficiles pour chacun et chacune. Mais je ne peux m'empêcher de me demander ce que Simone Veil aurait-elle pensé de ces crises. Comment aurait-elle réagi hier et aujourd'hui? Comment analyserait-elle la situation? Quand je pense à la vitesse avec laquelle la haine s'insuffle dans nos veines, à quelle vitesse nos esprits s'embrouillent et s'accrochent si vite à la pensée unique qui justifie l'horreur pour ne pas devoir prendre en considération les écartés du système, ceux et celles broyés par l'indifférence, la solitude, la malchance, la misère. Aurait-elle accepté qu'en quelques mois, nous basculions si vite dans la haine? Je me souviens qu'en quelques mois, lors de la pandémie, on est arrivé à se déchirer dans les familles, entre amis-amis, juste en parlant de vaccination. Sous le dictat de la peur, nous avons banni nos proches des théâtres, des cinémas. Nous leur avons interdit de voyager, d'aller dans les restaurants, dans les bars. Certains et certaines étaient même d'accord de leur interdire les soins de santé. Des médecins refusaient de soigner. On a humilié des médecins émérites. On a fermé nos oreilles aux arguments de l'autre juste parce que nous étions sur des nôtres alors que personne ne savait rien. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu justifier l'exclusion des autres? Bien sûr, nous avons souffert. Mais notre souffrance justifie-t-elle le rejet de l'autre? Des souffrances nous attendent encore. Allons-nous recommencer à tomber si vite dans le piège de l'exclusion? Devons-nous rester sourds à l'autre et à ce qu'il ou elle traverse parce que nos souffrances seraient-elles plus grandes que celles des autres? Aujourd'hui, c'est la crise énergétique qui a pris le dessus. Quelle solution? Cette fois, nous sommes tous et toutes d'accord. La réalité est la même pour toutes et toutes. Nous voyons la même chose, la dictature d'un système qui nous écrase. Après des mois de revendications, le personnel soignant crève toujours, fatigué, usé, donnant plus pour encore moins. De même que les enseignants et les enseignantes, les agriculteurs, les agricultrices, les assistants et les assistantes sociaux, les logopèdes, les boulangers, les boulangères, et j'en passe. Tous ceux et celles qui font que les humains et les humaines peuvent garder ce nom. Madame, ne l'encouragez pas. Mais bien sûr que je vais l'encourager. Mais bien sûr que je vais nous encourager à l'entraide. Bien sûr que je vais me battre pour les autres, car les autres, c'est moi. Et que si personne n'est reconnu à sa juste valeur, alors que représente la vie? J'ai trouvé des pièces par miracle dans mon sac. Toute la journée, j'avais cherché un banc contact. Est-ce que maintenant, les personnes sans revenus vont devoir avoir un terminal banc contact sur eux et elles? Comment vais-je donner des sous aux personnes sans chez soi? Au Four Rouge, je leur donne quoi? Je fais un virement? Pourquoi est-ce que tout ce que je fais doit être dans des banques de données? Des banques de données, mais ne rien donner. Aujourd'hui, je vais puiser ma force chez les personnes militantes, qui sont les garants et les garantes d'une démocratie digne de ce nom. Il faut croiser nos luttes et ne pas défendre que ses propres intérêts. Il faut que le personnel soignant, les agriculteurs, les agricultrices, les enseignants, les enseignantes, les travailleurs sociaux, les logopèdes, les décharnés, les inondés, les gens seuls, les personnes âgées, les fragilisés, les incompris, les incomprises, les sans-papiers, les travailleuses du sexe, les péricultrices, les périculteurs, les boulangers, les boulangères, les bouchers, les bouchères, les journalistes soient entendus. Je vous encourage tous et toutes. Je vous encourage à rester des êtres humains. Paradoxalement, j'écris ces mots sur ce réseau, mais si vous désirez discuter le propos de ce poste, je vous en prie. Allons boire un verre, mais ne nous rencontrons pas sur la toile. J'ai besoin du vivant. Merci, monsieur de la sécurité, pour cette prise de conscience que vous m'avez offerte. Un long message, hein, un long écrit, quoi. Oui, oui, oui. T'étais inspirée, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben écoute, je l'ai écrit après quelques jours d'avoir vécu cette situation. Mais j'avais ça en moi, il fallait que ça sorte parce que j'avais tellement la rage. Mais la rage. Mais bon, ça faisait déjà plusieurs temps que j'ai cette rage. Hein. J'ai la rage au cœur de me rendre compte de ce que tout le monde traverse, de ce que nous acceptons malgré nous, tu vois, tellement on doit avancer dans ce que... Je ne sais pas dans quoi on doit avancer, dans nos vies, je ne sais pas. Et que ces derniers mois, ces dernières années ont été aussi jalonnées de personnes, justement, de la militance aussi, où tout d'un coup, moi, je n'ai pas été élevée vraiment avec un truc militant. Enfin, si, je voyais mes parents étaient militants dans leur cercle ou militants à travers ce qui prônait dans leurs valeurs. Mais... Ici, à avoir côtoyé justement le réseau de la lutte contre la pauvreté pendant... Oui, qui se trouve dans la rue, en fait. Les gens ne savent pas, mais voilà, ouais. C'est vraiment dans la rue. Et quand on a été fermés, puisque non essentiel, bien sûr, comme les théâtres, comme tout ce qui représentait la vie, entre guillemets, avec le réseau de la lutte contre la pauvreté, on a réalisé des rencontres de toutes les personnes qui sont dites non essentielles. Tu vois, donc toutes les... Eux qui rencontrent, c'est-à-dire les personnes précarisées, les personnes sans papier, les personnes issues sans domicile, sans foyer, les personnes seules, les personnes exclues de la sécurité, enfin au niveau des soins de santé. Enfin, donc on mettait en lien les rencontres des personnes artistes, Et cette parole-là, et c'était des rencontres, des échanges. Et c'était une mine d'humanité, de prise de conscience, qu'on sait plus ou moins, tu vois. On en a tous conscience, on a été tous bien élevés, de se rendre compte que l'autre est important, et qu'il faut être gentil, et qu'il faut partager, pas penser qu'à soi. On le sait, mais dans le concret, c'est tellement l'inverse que nous pratiquons, même si on essaie... C'est terrible. Et donc, du coup, de se rendre compte que... Attends, parce que quand tu dis l'inverse que nous pratiquons, tu parles de qui, là ? Ben, moi, là, par exemple, je parle de moi, tu vois. Je parle de moi parce que, ben, à un moment donné, j'ai ma propre réalité des factures, les propres réalités de ma vie. Du coup, comme une conne, je me laisse engoncer dans me dire, dans un espèce de travail, argent, et penser à ma gueule. Parce que ma gueule, elle vaut plus que celle de l'autre, j'imagine, tu vois. Ouais, tu vois, je croyais que tu pensais plus d'un gouvernement ou d'un État en haut qui dicte des lois, quoi, qui sont pensées à vos gueules, justement. Soyez individualistes. Tu vois, je pensais que c'était ça aussi, parce que... Oui, quand tu dis « je dois travailler, je dois ramener des factures », y aurait moyen d'inventer autre chose aussi comme manière de faire société, hein, ensemble. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais si on se comprend pas, n'hésite pas. Je comprends tout à fait, mais... À partir du moment, évidemment que c'est eux que je vise, c'est ce système, c'est ce capitalisme, c'est ce patriarcat, c'est tout ça que je vise. Mais à partir du moment où moi, dans ma propre vie, je ne fais pas changer les choses, j'ai beau critiquer et faire « Oh, merde, c'est quand même des connards !» Enfin, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir. Et à fond, je suis d'accord avec toi. Et c'est de constater... C'est pas toujours évident. Non, et c'est nul, et c'est pour ça que je m'inclus dans la haine de l'autre que dans le texte, quoi. Tu vois, je ne vise pas une personne. Si, je vise le système, mais je me mets dedans. Comment j'ai accepté ce système aussi, tu vois, pendant la pandémie. Comment ici, notre théâtre, on a essayé, tu vois, vraiment, mais c'est encore trop petit. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ce Covid safety kit ? Parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on devait fermer sinon. Alors, il y en a des jours où on ne l'acceptait pas. Donc, on a accepté de faire à des jauges en dessous de 50 personnes. Il faut savoir qu'ici, on n'a qu'une toute petite subvention. Donc, on jouait à perte. Mais c'était important de le faire. Mais on ne l'a fait qu'un jour. Tu vois ? Et ça, parce que sinon, on ne vivait pas. On n'allait pas tenir financièrement. Et c'est cette dichotomie-là qui me pose toujours un peu problème. De se dire, on le fait, mais un petit peu. Et ça m'enrage. Tu vois ? T'aimerais bien quoi ? Mais j'aimerais bien d'arrêter de faire le petit peu des concessions. Je veux tout faire péter, quoi. Mais non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, après, c'est facile, voilà. C'est facile de dire les choses, voilà. Tu vois. Après, il y a le concret, il y a nos actes. Mais exactement. Si déjà, dans nos têtes, on arrive à comprendre et à nommer ce qui se passe, c'est déjà un bon point, quoi, tu vois. Mais moi, je pense aussi qu'on est arrivé à un point... On doit tout péter parce que c'est grave si on laisse faire le futur ce qu'on nous prépare, quoi. Enfin, tu vois, c'est encore pire. C'est encore un monde pire qu'on a connu, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ouais, c'est très flippant. Bah, après, voilà, moi, j'ai eu une enfance dorée. Enfin, tu vois, je n'ai manqué de rien. J'ai été aimée, j'ai été... Donc, je pense que le monde, tu ne veux pas me dire qu'il va être pire, parce que je pense qu'il y a toujours eu du pire dans le monde dans lequel on a vécu ici, sauf que j'étais du bon côté, dans la bonne petite place, tu vois. Mais je pense qu'il est temps qu'on puisse mettre des choses en exergue et que toutes les personnes... Mais parce que, en fait, ici, on se rencontre à travers ton micro ouvert qui est formidable. Tu as rencontré des gens formidables qui se posent les bonnes questions, qui font avancer, et tu te dis, mais pourquoi, bordel de merde, ces gens n'ont pas la parole et n'ont pas accès. Il y a tous les travailleurs, justement, qui sont des relais, mais on ne les entend pas, on ne les écoute pas. On fait, si, voilà, venez dans mon cabinet. Voilà, moi aussi, je les rencontre, les ministres de la culture, de ce que tu veux. Et tu les rencontres, et tu es senti, ils font, ah oui, c'est vrai, mais je comprends ce que vous me dites. Et in fine, il ne se passe rien. Tu te dis, mais... Comment c'est possible avec des gens qui ont déjà eu des réflexions? Quand tu vois, pendant le confinement, toutes les réflexions, toutes les propositions concrètes qui ont été faites, tout pour un autre monde, pour que les choses... Mais moi, je fais partie des cons, des connes qui ont cru, hein? Mais non! Ah non, non, t'as cru que ça allait pouvoir changer comme ça? Non, sérieux? Sérieux. J'y ai cru, je me suis dit, ouais, ben là, on est arrivé à un truc. Je n'ai pas pu m'empêcher... Je ne pouvais pas me dire que les personnes... Je vais prendre les personnes des soins de santé, parce que ça, c'est tellement révélateur. De me dire que ces gens qu'on applaudissait, qui étaient là, qui ont crevé, me dire qu'après, c'est pire pour eux et elles, que ce soit au niveau mental, physique, financier, ça, je n'ai pas... Je te jure, Krasina, je n'aurais pas pu... Je n'aurais pas pu. Non, j'y ai cru. J'ai cru que ça allait être revalorisé comme l'enseignement. Enfin, c'est tous les bastions d'une démocratie. C'est quand même les droits à la santé. Ah non, mais ça, moi aussi, j'aurais pu croire qu'il y ait une revalorisation des métiers sous-payés. Ça, oui, mais je parle de plus d'une politique menée comme ça, à grande échelle, où on va changer la donne. Tu vois, les enjeux géopolitiques, on va arrêter d'extraire du pétrole. Non, mais tu vois... Non, c'est ça que tu veux dire, quoi. C'est que t'es... Bah oui, moi aussi, j'aurais pu y croire. Ouais. J'avoue, je me suis dit, c'est plus possible. Ce n'est pas possible, ça, c'est tellement flagrant. Et je n'ai pas pu imaginer une seconde que... Ça allait être pire, je te jure. Non, donc c'est ça. Du coup, j'ai la rage au cœur. Je ne suis pas une personne en colère. Je ne suis pas née en colère. Bah non, mais là, j'ai une question qui est importante. Avant le confinement, avec le confinement, tu as pris une baffe dans la figure? Tu comprends ma question dans le sens que, en gros, ça allait. Je savais que le monde n'était pas parfait, qu'il y avait des horreurs. Mais en gros, ça allait. Est-ce que le confinement t'a mis... J'ai dit ça parce qu'il y a des gens, tu vois, vraiment, ils n'ont rien compris, quoi. Non, ça... non, moi, j'avais vraiment la conscience. Et justement, avec mon frère, on parlait souvent et on était là, ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne va pas, ça va, on va dans le mur, ça va trop vite, ça va trop vite. Vous voyez aussi, tout le monde épuisé, fatigué, anxieux. Enfin, il y avait un truc comme ça, comme si le monde avait accéléré, que tout allait encore pire, de pire, de pire. Si, moi, j'ai vraiment ressenti cette accélération. Et donc, paf, le fait que tu dis, tout s'arrête, tout, on se pose des questions, on refait du lien. C'est pour ça que j'y ai cru. Je me suis dit, ah ben voilà, on n'avait plus le choix. On a été trop loin. Donc, évidemment, que le fait que tout fasse pas, qu'on se pose les bonnes questions et que tout le monde... Enfin, ce que moi, je voyais et que je lisais dans les réseaux, des interviews de ça, je voyais que tout le monde travaillait pour un changement. Donc, j'y ai cru, putain, j'y ai cru. Et que ces personnes-là n'y soient pas entendues, que toutes ces propositions n'aient pas été... Et là, j'ai... Je crois que peut-être que je suis peut-être naïve, que là où j'ai été, c'était que je me suis vue juste qu'au niveau national, tu vois, ou peut-être européen, que je n'ai pas la notion, j'ai trop une méconnaissance du truc géopolitique, quoi, que tout ce qui se passe au niveau de l'Asie, de la Russie, tout ça, l'Amérique me dépasse un peu. Que ça, c'est une méconnaissance. Tous les enjeux politiques, en fait, qui sont balèzes, hein. Voilà. Il y a des guerres qui se font au nom de ça. Mais c'est bien que tu le dises, oui, t'as pas une conscience de ça, quoi. Non. Tu lis rien là-dessus. Voilà, j'ai pas une connaissance, vraiment, parce que je ne comprends déjà pas ce qui se passe dans ma rue, tu vois. J'ai pas assez de connaissances pour voir ce que chacun... Ça m'intéresse tellement plus ce qu'est chacun, par quoi chacun et chacune sont traversés, que d'aller jusque-là, ça prend déjà tellement de temps que... Voilà, donc j'ai mes connaissances, mais après de rencontrer des personnes qui savent. Mais voilà, de nouveau, avec le réseau wallon de lutte contre la misère, mais maintenant, c'est de rencontrer déjà cette réalité-là et de ces rencontres. Et comme Christine Mailly, qui est porteuse d'une parole tellement essentielle, de comprendre tout ce qu'elle dit, de l'assimiler, de dire, tiens, où est-ce que je peux intervenir, moi, individuellement, pour le collectif. Déjà, ça me prend tellement de temps que, voilà, j'avoue que le côté géopolitique, ça me dépasse. Et je suis là, j'essaye, hein, mais je n'ai peut-être pas cette intelligence-là. J'ai plus une intelligence humaine et du cœur que, tu vois, cérébrale. Oui, mais c'est juste pour comprendre. Moi, ce que j'en ai un petit peu compris, c'est que ce sont des enjeux balèzes, quoi. Oui, c'est pas, on rigole pas, tu vois. Je veux dire, quand toute la dynamique de nos sociétés, de nos gouvernements, de l'État, enfin, du pouvoir, parce qu'on on parlait au début, tu vois, il y a eux là-haut, et puis il y a nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a quand même, t'imagines si là-haut, l'élite, hein, ceux qui gouvernent, parce que c'est clairement ça, hein, c'est ni toi ni moi, on nous appelle à la table des négociations pour donner notre point de vue, tu vois. Ou alors on dit oui, ça va, et vous avez voté, mais pff, c'est compliqué, tu vois, c'est pas si simple que ça. Mais si à l'échelle d'un pays, tu vois, l'élite, ceux qui se trouvent là-haut, pouvaient mettre des règles plus justes, tu vois, qui... Mais on en sortirait très vite aussi, tu vois, la pauvreté, s'il y avait une volonté qu'elle n'existe pas ou moins, ce serait possible, quoi, tu vois, c'est ça qui est violent. Mmh. C'est ça qui est violent, tu vois, c'est pas, oh là, les pauvres, vraiment, ils ont... C'est ça qui est violent, oui, c'est ça qui est violent, c'est que... Il y en a qui ne le croient pas, hein, il y en a qui ne croient pas ça, ce que je dis. Que s'il y avait une vraie volonté avec des moyens, la pauvreté, elle n'existe plus, quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans King Kong Theory, Virginie Despentes, elle dit il y a toujours une classe sociale qui a intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont. Ça résume tout. Ça résume tout. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, moi, je vais me mettre en danger et me fragiliser pour pouvoir aider l'autre? Ben bullshit, je pense à moi, je pense à ma famille, à mes enfants, à mes générations futures. Hein, je ne vais pas aller prendre de risques alors que ma descendance risquerait d'être mise à mal parce que j'ai été... Enfin, tu vois, enfin, on en est là. Donc, c'est sûr qu'il y a... Mais moi, je pense qu'il y a un moyen qui... Et ce croisement de lutte, ça, c'était à travers toutes les rencontres. Et c'est clair que si tout d'un coup, à la table des négociations ou alors dans les manifestations, si moi, je vais voir le ministre de l'Agriculture, que les artistes allaient voir les ministres de l'Agriculture disant « Sans ces gars-là, ces femmes-là, on n'est rien. Il est grand temps de valoriser. » Et que peut-être les personnels soignants aillent à la table des négociations pour les enseignants, les enseignantes, pour les personnes, les travailleurs sociaux, que je sais pas moi, les banquiers. Oh, pas les banquiers. Enfin, tu vois, que chacun allons avoir... pour lutter contre les autres, parce que c'est cette réflexion aussi sur le travail. J'ai ma fille, j'ai encore une plus jeune, qui me dit « Mais maman, ton travail, c'est quoi le travail, en fait? Pourquoi il faut travailler ?» Et paf, tu te la prends quand même en plein fouet, cette question. Et tu te dis « Mais voilà. » Et ça, c'était mon explication très naïve pour elle, mais en même temps, je la trouve naïve, mais je voyais, enfin voilà, on va partager. Pour moi, c'est, ben voilà, en fait, il faut manger. Et donc, il y a des personnes qui savent travailler la terre et donc qui vont faire pousser des choses. Seulement, elles n'ont pas le temps de faire leur pain quand elles faillent la terre. Donc, il y a quelqu'un qui sait faire du pain, qui va faire du pain pour pouvoir lui donner pour qu'il ait le temps. Mais seulement, les personnes qui font les pains ou la terre, ils ont des fois, ils tombent malades, mais ils n'ont pas le temps d'apprendre à soigner. Donc, il y a quelqu'un qui va le faire pour les aider à soigner. Et puis après, il y a des gens qu'il faut à un moment donné, ce qui est important, c'est quand même aussi de savoir réfléchir et de savoir avoir un esprit critique. Donc il y a des personnes qui vont être t'apprendre ça à l'école, et donc c'est important, mais ils n'ont pas le temps du coup de cultiver la terre pour avoir... Enfin, et ainsi de suite, c'est une chaîne, quoi. Et dans son écoute, c'était tellement évident, et quand je disais c'est tellement évident, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'échelle sociale, on est tous... Enfin, sur une ligne, et on fait pour que les autres puissent, et que chacun, avec ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire, avançons, quoi, tu vois. Et donc, cette notion de travail et de mise en exergue sur d'une espèce de hiérarchie de valeurs, ça me rend dingue. Et de se dire qu'encore à l'heure actuelle, il y a un mec qui fait la manche et qu'on lui interdit, et que moi-même, je n'ai à peine que quelques pièces, parce que je n'ai plus de liquidité. Mais merde, ça m'enrage. C'est de nouveau toutes ces banques de données, de nouveau toutes mes informations. Je parlais avec un médecin qui me disait, maintenant, tu vois, tu as une banque où ton dossier est sur Internet. Enfin, voilà, comme ça, c'est hyper pratique. Comme ça, le médecin, il sait ce que tu as eu. Et ce médecin-là, qui est un médecin un peu âgé, de l'ancienne génération, il dit c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ce dossier-là, imagine, tu as 20 ans, tu as une peine d'amour terrible, et tu fais une petite tentative de suicide, un appel à l'aide, parce que voilà, ce sera toujours marqué dans ton dossier. Et donc, à un moment donné, imaginons dans ce système toujours de profession, on va se dire, le médecin du travail va dire, si tu veux postuler un truc haut placé, voilà, j'en sais rien, on va dire, attention, il est fragile, il a fait une tentative de suicide. Tu vois ? Mais c'est horrible ! Horrible. Ça veut dire qu'aussi, on va lire tes données dans un dossier et on ne va plus te palper, on ne va plus t'écouter, on ne va plus partager parce qu'ils savent. Non, vous n'avez rien à me raconter. Alors que ce qu'il me dit, c'est que le patient, c'est lui qui a la solution. Il va te parler et c'est lui qui va te la donner, en fait. Et c'est en l'écoutant que tu vas comprendre son problème. Mais il ne va plus y avoir cette discussion-là. Maintenant, on fait des trucs par téléphone. On n'écoute plus les gens, on ne va plus... Moi, j'ai cru au monde d'après. Mais... tu vois, quand je disais waouh, ce qu'on nous prépare dans le futur, là, c'est justement toutes ces questions-là avec la technologie qui prend le pas sur notre humanité. Mais t'en parles dans ton texte. Hein. C'est pour ça. Mais t'as vu toutes les réactions aussi. Ouais. T'as l'habitude de réactions comme ça quand tu écris. T'écris souvent des messages comme ça sur ta page? Non. Non, j'écris très peu, j'écris vraiment quand ça me prend le cœur quand même. Mais non, j'écris très peu sur Facebook. Et oui, j'étais surprise des réactions. Les gens qui sont là, merci, mais oui, tu traduis merci. Ça comment ? Moi, je le relisais, tu vois, pour me mettre un peu dans le bain, là. C'est vraiment, tu dis, t'es arrivé à mettre des mots, quoi, en tout cas. Hein ? Mais oui, apparemment. De nouveau, c'est ce que, enfin, pour le moment, comme j'ai fait un spectacle avec des potes sur des pentes, du coup, elle m'interpelle beaucoup parce que je trouve qu'aussi, elle prend la parole et qu'elle va faire une Virginie Despentes, des cartes blanches aussi. Et j'entendais dans une de ses interviews qu'elle disait, bah, à un moment donné, c'est moi qui vais prendre la parole pour plusieurs personnes, parce que c'est moi qui vais avoir les mots à ce moment-là. Mmh. Et puis après, pour d'autres choses, ça va être quelqu'un d'autre, tu vois. Ici, c'est peut-être que j'ai eu les mots, mais de rage, hein. Et que du coup, cette rage-là, beaucoup de personnes l'ont ressenti, et qu'il n'y avait pas de mots, et que du coup, à travers ces mots-là, on peut se reconnaître. Ouais, ou pas forcément la rage, mais ce que tu traduis là, c'est quelque chose. Les gens sont peut-être mal à l'aise avec tout ça, ils savent pas quoi penser, enfin, tu vois. Et toi, t'es arrivé à mettre des mots, quoi. Je suis pas sûre qu'ils sentent la rage, parce que ça, c'est vraiment, à mon avis, ça te regarde. Mais après, tu dis souvent, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Ouais. Allez, pour qu'on se comprenne bien, arriver à quoi, là ? Arriver à cette déshumanisation, tu vois ? Arriver à cette individualisation, vraiment, à cette... Mais quoi, tu prends l'exemple du SDF à la sortie du cinéma, de ton cinéma. Mais à mon avis, ça, c'est une vieille histoire. Ouais. Non ? Que les gens fassent pas gaffe aux gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue. Toi, tu parles de plein d'autres choses, évidemment, dans ce message, pas simplement du SDF. Ouais. Pour qu'on se comprenne. Ouais. Donc, je veux dire que, oui, c'est la pauvreté, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Mais en plus, tu sais, ce qui m'a touchée aussi, c'est que ce gars avec la sécurité, ouais, il n'était pas... C'était pas un méchant, hein. C'était juste un gars qui faisait son travail. C'est ça qui était terrible aussi. Et quelque part, il était mal à l'aise de ma réaction parce que quand j'ai cherché les pièces, il était là, mais enfin, ne l'encourageait pas. Il n'était pas agressif non plus. C'est moi. Après, j'ai juste dit, mais si, après le film que j'ai vu, mais j'avais les larmes trop. Tu vois, je commençais à pleurer. Et j'étais là avec mes larmes. J'arrivais plus à parler. C'est aussi le film qui t'a mis dans cet état-là, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment le film. C'est vraiment le film. Sans doute que si je l'avais vu sur mon ordi, j'aurais été moins. Tu vois, ça reste quand même la beauté du cinéma. Je crois qu'on l'a. Oui, tu l'as dit dans l'intro. Ouais. C'est le film de. C'est la vie de Simone Veil, la ministre. Ouais, la ministre qui s'est battue vraiment pour tous les exclus du banc de la société, quoi. Vraiment, que ce soit. Je savais même pas ça, moi. Ah non, mais elle était incroyable, hein, là. Elle a pour les femmes, évidemment. Faut faire gaffe quand c'est une fiction, hein, parce que moi j'avais vu un docu sur Coco Chanel en fiction. Oui. Enfin, tu vois, un film, quoi. Waouh, wow, quel beau personnage. Génial, cette femme. Et puis après, j'ai vu un documentaire. C'est pas la même personne. Tu vois, non, mais vraiment, tu vois. Bon, après... Ici, vraiment, ces combats, c'est vraiment ces combats, c'est pour les détenus, pour qu'ils aient des soins de santé. C'est pour les personnes malades du sida, qui les personnes... Tu vois, tous ceux qu'on ne veut pas regarder, qu'on oublie, les femmes, évidemment. Donc, c'est impressionnant, quoi. Elle a quand même cette conscience de l'autre, mais parce qu'elle-même avait souffert de son propre parcours, quoi, tu vois. De l'exclusion, quoi. De nouveau, elle a connu des camps de concentration, tu vois. On a mis des gens dans des camps de concentration. Je rigole parce que là, ah ouais, si on part par là, non, mais si on part par là, oh là là, non, mais le monde est, c'est compliqué, ouais, hein. C'est compliqué. Notre nature humaine est vraiment obscure et lumineuse à la fois. C'est là toute la complexité quand même. Hein. De quoi on a été capable, c'est sûr. Mais les camps. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est de se dire de quelle facilité on bascule dans la haine. Mais on n'en rien. On en rien. Évidemment, rien n'est comparable avec le camp de concentration, c'est pas ça. Mais à travers ce film et tout, c'est rien. C'est en deux secondes, tu vas juste être malade. On va t'exclure. Ça tombe sur la gueule de n'importe qui. Et tu vas être exclu. Ça pas... Je veux dire, la misère, elle te tombe sur le coin de la gueule en infraction de seconde. Et on t'exclut. Enfin, c'est cette exclusion-là. Je veux dire, ici... Des personnes, les familles qui se sont déchirées, en parlant de la vaccination, de ceux qui voulaient se faire vacciner pour... C'est pas toute la vaccination qu'on remet en question, c'était juste la vaccination pour le Covid-19, quoi. Et à la haine déchirée, on n'a pas voulu soigner des gens. Des gens qui n'ont pas été soignés, des enfants. Tu te dis, on a refusé l'entrée à des personnes. Mais qui on est? Et qui maintenant... Heureusement, il y a peut-être cette faculté d'oubli qui peut être nécessaire dans certains cas. Dans le cas où on se dit, mais voilà, on a été moche, on a été laid, donc là maintenant on est tous ensemble. Tant mieux. Oui, mais c'est, j'entends bien ce que tu dis, mais c'est pas tout le monde qui a pris cette décision de pas soigner ou de. Tu comprends, hein, c'est pas tout le monde. Je crois que pour y voir clair dans tout ça. Mais dis-moi hein, si tu trouves que ma pensée est à côté ou pas. Enfin, tu vois, on discute, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on... C'est le chaos, c'est... Ben là, quand on parle du confinement, de tout ce que tu as raconté dans ton texte, là... Oui, mais c'est pas toi et moi, de nouveau, qu'on a appelé à la table des négociations pour savoir comment est-ce que les choses allaient se jouer. Tu vois, ça part d'en haut, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de... Comme une volonté, tu vois, alors ça peut paraître comme une volonté de nous disperser, de nous déchirer, de nous taper sur la gueule. Je veux dire, le type qui a difficile ou la nana qui a difficile et qui se retrouve dehors à demander une petite pièce pour pouvoir survivre, ben voilà, s'il y a une logique, tu vois, de dire qu'en fait, c'est pas bien ces gens-là, ils feraient mieux, enfin, tu vois, ils le méritent bien ou... Je veux dire, c'est pas toi et moi dans nos cœurs qui pensons ça, quoi. Tu vois, il y a une espèce d'idéologie qui se met en place pour dire que ces gens, on va. Regarde, je t'explique vite une anecdote, mais comme ça, je trouve qu'elle est énorme. Je rentre dans un bus, un 71, là, tu vois, les longs à accordéon. T'as un mec qui pue la pisse, mais quand je te dis qu'il pue la pisse. C'est vraiment... Ah, je sais, c'est indescriptible l'odeur. Mais j'arrive dans le bus, je m'assieds, et en fait, je me retrouve nez à nez avec ce type qui pue, quoi. Hop, par réflexe, tout de suite, je me lève et je vais m'asseoir ailleurs. Tu vois, j'ai pas besoin non plus de... Mais tout le bus puait la pisse, quoi. Mais une odeur... Et à un moment donné, je vois que tout le monde est quand même comme ça, avec mais normal, quoi. Tu vois, ça pue. On met son t-shirt sur le nez. Et il y a un gars qui sort du bus parce que voilà, c'était son arrêt. Et il va discuter en fait avec la chauffeur de bus, quoi, par la fenêtre, tu vois. À mon avis, il doit lui dire, j'entends pas, mais il doit lui dire, ouais, c'est quand même dingue, il y a un mec comme ça qui pue dans le bus, vous pourriez faire quelque chose, quoi. Du coup, la gonzesse, elle sort de son petit comment je dirais, l'endroit où elle conduit, quoi. Elle sort de sa petite cage, là. Elle vient comme ça, et elle me regarde, moi, et puis elle dit, c'est quoi le problème ici? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Il y a un mec qui pue la pisse, un pauvre type. Voilà, on ne va pas le foutre dehors du bus, quoi. Tu vois, ce serait encore le... encore plus grave, quoi, tu vois, foutons-lui la paix, il va sortir. J'ai vu tous les gens qui opinaient de la tête pour dire qu'ils étaient d'accord avec cette idée, et hop, la bonne femme, elle est rentrée dans son petit cagibi pour reprendre la conduite de son bus. Ben voilà, là, il y a eu un acte, tu vois, il y a eu les gens, je veux dire, si j'avais pas été là, mais j'espère que ça aurait pris, que quelqu'un l'aurait fait, tu vois, de dire, foutons-lui la paix, on va... Mais c'est pas sûr. On est quand même dans une époque comme ça où il y a une espèce de imagination comme ça où ces gens-là, il faut les évacuer. Allez, on les fout dehors, quoi. T'imagines si ce type, on les avait foutu dehors en plus, quoi. Tu me comprends? Non, mais la rage. Là, si on l'avait foutu dehors, mais la rage. Non, c'est pas possible. Mais je pense que quand même, en fait, tu vois, moi, le souci. J'ai la chance, à travers le métier, de rencontrer beaucoup de personnes. Mais vraiment beaucoup. Et sur la centaine, on va faire une moyenne, sur les 100 personnes que je connais, que je rencontre, il y a vraiment un ou une connasse. Vraiment limitée, vraiment connard. Sur 100. Vraiment à peine, vraiment. Allez, 2-3 qui sont pas... voilà, qui sont un peu gros lourds dans leurs pensées. Sont gros lourdes. Mais c'est tout. Il y a 95% de gens extraordinaires, de gens fabuleux. Et tu te dis, mais putain, comment ça se fait que c'est eux, le tout petit pourcent, qui vont prendre toute la place? Et ça, ça me désole. C'est pour ça que je pense que quand même des paroles et les podcasts où il y a des personnes qui réfléchissent et que du coup, dans le bus, tout le monde est d'accord avec toi, bah parce qu'il y a une conscience, il faut juste une personne qui... Oui, mais je suis sûre que ça n'avait pas eu... Les gens sont très passifs aussi, tu vois, avec leur téléphone. Moi, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on n'est pas conditionné aussi de plus en plus, tu vois, avec nos outils, nos outils technologiques, notre téléphone, on est là comme ça, tu vois. Oh, je ne veux pas trop savoir ce qui se passe à côté de moi. Moi, je trouve ça dingue, la capacité qu'ont les humains comme ça de s'adapter à un monde complètement débile mental. Mais j'espère dans ce bus, il y aurait quelqu'un qui aurait pris la parole pour dire « Mais foutons-lui la paix, de toute façon, il est déjà difficile. » De nouveau, c'est là où le baston de la démocratie, ça reste quand même l'éducation. C'est développer ton esprit critique, ton esprit d'analyse. Mais comme pour le moment, les enseignants, les enseignantes, ils n'ont plus le temps, ils ont des classes de malades, ils ont une espèce de choses à respecter. Mais du coup, c'est trop dur. C'est des métiers qui sont trop, trop difficiles. Mais si à l'école, on prend le temps, et plein de professeurs et professeurs le font, hein, je ne te dis pas. Mais comme tu disais, est-ce qu'il y a une volonté, justement, de nous abrutir, une volonté de... Mais de nouveau, c'était quand même un peu symptomatique, on ferme les théâtres. Les théâtres, c'est quand même le lieu de la parole libre. Il n'y a pas de censure, quelque part. C'est vraiment l'agora, c'est vraiment... Puisque au cinéma, où là, tu as toutes les séries Disney que nous donnons à manger à nos enfants. Enfin, mon frère, il fait aussi beaucoup de doublage. Et il dit, tout est lissé, quoi. Tout est lissé. Tu regardes les films des années 80, t'as des putains, merde, fais chier, des trucs un peu vindicatifs. Mais non, c'est tout est lissé, quoi. Et tous les scénarios sont les mêmes, quoi, tu vois. Et donc, on est en train de donner quelque chose de très lisse, où il faut être gentil et sage et bien écouté. Ah, ben génial, tu vois. C'est ça, on est dans un drôle de moment, en espérant que c'est un moment. Oui, parce qu'il y a plein de gens et d'artistes qui écrivent, qui voilà, il y a ça va comme à deux vitesses, hein. Il y a quand même toute une autre réflexion des gens qui sont en train de grouiller, qui proposent... Moi, je les vois pas bien, je les vois pas beaucoup, moi, justement, tu vois, tous ces artistes. Mais toi, c'est un peu ton milieu en même temps. T'es comédienne, tu joues, c'est vrai, hein. En plus d'être directrice à plusieurs ici du Jardin Passion avec d'autres, c'est ton métier, quoi. Ouais, et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes. Et puis, pour les projets, pour être sûre de ne pas être à côté de la société, tu rencontres les gens, tu discutes, tu parles, tu te confrontes. Donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir les rencontrer. Et c'est des mines d'or, des personnes merveilleuses, incroyables. Enfin, déjà, Christine Mahy, cette rencontre-là, cette femme, elle est incroyable. Elle est fabuleuse. dans tous ses combats. Elle est juste. Elle a une vision des choses. Et elle reste quand même dans quelque chose pour avancer, tu vois. Pour avancer et pour faire bouger les choses. Elle n'est pas dans une espèce d'attente, de fatalisme ou de quoi. Mais de se dire, voilà, ne soyons, restons vigilants, restons éveillés, avançons, trouvons des solutions. Et elle vient avec des choses concrètes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je pense que tout à coup, on a quand même chacun et chacune d'entre nous, et au plus on va se rassembler, au plus on va être tous ensemble pour trouver des solutions concrètes et ne plus accepter l'inacceptable. C'est ça qui est dangereux. C'est que tu crois que c'est possible, ça ? Oh, oui. Tu crois que ça va se mettre en place de pas... Oui, parce qu'il y a quand même 95 personnes. Tu vois, si on muselle un peu ces 5% de connards, je pense qu'on est quand même 95, tu vois. Peut-être que maintenant, il faut vraiment se dire, si tous ensemble, on n'acceptait pas aussi bêtement les choses, parce que c'est comme ça, qu'il n'y a pas le choix, oui, mais moi, et le diktat de la peur, si on avait moins peur, je pense qu'on avancerait vite, oui. Il y a moyen. Bon, après, je te dis, je fais partie des naïfs qui ont cru au monde après. Mais je trouve qu'il y a quand même moyen. Je vois quand même les choses qui sont en train de bouger. Comme quoi, par exemple ? Je trouve qu'il y a quand même un avant, un après la parole de MeToo, tu vois ? Déjà, qui est libération de la parole de la femme. On jouait vraiment King Kong Theory, on l'a créé avant MeToo. C'était, tu voulais dire que tu étais féministe et tout ça. C'était, oh putain, tu vas encore nous faire chier avec ton discours de camionneuse. Tu vois, il y a certains milieux, pas, ça reste toujours. Mais quand même, et après la MeToo, il y a quand même eu une conscience. Et puis même, ici, au niveau des administrations, des questions, même ici, on a dû rendre des dossiers pour avoir des subventions au niveau du théâtre, les questionnements. C'est la parité, il y a quand même quelque chose qui a évolué à ce niveau-là. Tout ça parce que des femmes se sont mises ensemble et ont pris la parole. Et tout d'un coup, une libération de la parole. Ça reste pas assez, ça reste, ici, je vais parler du milieu culturel, ça reste, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même, ça existe et ça a quand même fait bouger. Donc je pense que si on libère la parole, que si tout d'un coup les travailleurs, les travailleuses commençaient à s'exprimer, mais tous ensemble, et qu'on décloisonnait chacun de nos milieux et nos propres expériences, et qu'on faisait des croisements, je te dis, là, croisement des luttes, bah, je pense qu'on peut y arriver. C'est le rêve, ça. Ouais, ouais, mais moi, j'ai quand même réalisé pas mal de mes rêves. Donc... Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, quand même. Et donc, du coup, je me dis, ouais. En tout cas, je vais tout faire pour. En tout cas, moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que c'est vraiment un combat, quoi. C'est, il y a pas, tu vois, c'est allez, il faut continuer, il faut, on n'a pas le choix, il faut changer la donne, mais ça viendra pas d'en haut. C'est compliqué parce que avec les lectures et tout, tu sais, quand tu lis, par exemple, le racisme, on sait que c'est pas bien. Et le président Lincoln, là, tu vois, un peu, oui. T'as déjà entendu parler. Oui. Eh ben. Moi, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Je le savais, tu vois. Mais du coup, ça donne une manière de voir le monde aussi particulier, quoi. Une manière particulière de voir le monde, quoi. Quand tu lis ce genre de bouquin ou quand... Mais je le savais. C'est-à-dire que Lincoln, il n'a pas donné les droits aux Noirs parce qu'il trouvait ça bien et juste. Enfin, tu comprends, c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est parce que les Noirs, à un moment donné, étaient hyper trash, ils en avaient marre, ils subissaient tellement de violence qu'à un moment donné, eux aussi ont commencé à être violents pour obtenir leurs droits. Mais surtout aussi, Lincoln, il a dit, allez, on lève les droits, on donne les droits aussi pour les Noirs parce qu'il y a des territoires que j'aimerais récupérer dans le Sud, quoi. Enfin, tu vois, c'est tous des enjeux comme ça et tu te dis waouh, quoi. C'est complexe tout ça, tu vois. C'est parce que quand tu parles du féminisme, enfin, c'est une vieille histoire, quoi. Et on continue à aller. Je veux dire, s'il y avait vraiment une volonté qu'on soit à égalité, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce serait fait depuis longtemps, quoi. C'est compliqué. tu comprends ce que je dis ? Bah, t'as tout à fait raison. S'il y avait vraiment une volonté, ça serait fait depuis longtemps. Maintenant... Mais donc, tu vois, c'est vraiment... À quoi on joue, quoi ? Comment t'arrives encore, toi, Mano, à... C'est sûr que, de toute façon, il n'y a pas le choix. Faut continuer, mais... C'est malsain, quoi. C'est malsain, c'est malsain, le monde dans lequel on est, tu vois. C'est malsain. Ouais, et en même temps, tu vois, moi, j'ai choisi quand même un métier qui est tourné vers l'autre. enfin, justement par la parole, qui veut se rendre au miroir de la société. Donc, du coup, cette conscience-là, je suis obligée de l'avoir. Je l'ai en moi, tu vois. Et donc, le fait que ce soit malsain, ce fait que ça bouge pas, cette volonté de rester dans l'immobilisme et de garder bien la misère parce qu'elle est importante. S'il y a la misère, ça veut dire que moi, je suis de l'autre côté et que je me sens mieux. De garder toutes ces frontières. Même s'il y a tout ça, je te dis, à travers les rencontres, à travers les gens, à travers le lien, à travers tout le travail des travailleurs sociaux, je trouve qu'il y a quand même une volonté qui est quand même tournée vers l'autre. Et je ne peux pas croire que ça ne peut, que ça n'aboutira pas, même si ça reste, même si, tu vois, c'est le colibri, quoi, c'est l'allégorie du colibri, tu vois, même si c'est, je fais ma part, quoi, je mets quelques gouttes, mais et c'est pas assez, sans doute, mais moi, j'y crois, je suis sûre, et qu'on emmerde, justement, parce que si ça tombe, ce n'est jamais que 5% qui nous empêche, c'est comme tu dis, et s'il faut, au plus on va être, au plus on va être dans un mouvement, et il y a quand même des manifestations qui bougent, il y a quand même des gens qui sont là, il y a quand même tous les militants et les militantes, et qui sont quand même les bastions de la démocratie, la militance, comme le journalisme indépendant, c'est quand même ça qui tient la démocratie et l'éducation, mais si ils sont encore là et qui y croient, alors c'est mon devoir de me battre aussi pour que ça change et de parler avec les autres. C'est la méconnaissance qui fait que les choses ne bougent pas. C'est la méconnaissance. Ça veut dire que quand je ne connais pas l'autre, je ne connais pas ton travail, je ne connais pas ce que tu fais, je ne connais pas ta pensée, je vois juste que tu es quelqu'un qui a l'air dans la misère ou quelqu'un qui a l'air d'être un grand bourgeois, qui se la pète, tu vois. Mais si je ne vais pas vers toi et te parler, comprendre avec lequel schéma de quel schéma tu es, de ce que tu penses, ce qui te fait vibrer, je ne sais pas avancer. C'est parce que c'est la méconnaissance de la maladie qui a fait qu'on a exclu toutes les personnes atteintes du sida. C'est la méconnaissance qui fait qu'on va exclure des personnes qui sont toujours différentes de nous. Oui, mais avec l'expérience du monde, je veux dire, il n'est pas né hier, le monde, hein, la société, je veux dire, on n'est pas obligé de toujours répéter les mêmes conneries, tu vois, à ce stade-ci, je veux dire, en 2022, bientôt 23, là, d'ici quelques semaines, on serait capable de beaucoup de choses parce qu'on a appris plein de choses, parce que tu vois, c'est ça que je dis, waouh, il faut continuer à rester positif, mais pas connement, hein, ouais. Tu vois, avec des idées, bah oui, on va continuer à se bagarrer, mais c'est fatigant, la volonté politique, la mécanique politicienne, enfin tu vois, tous ceux qui, allez, quand tu regardes la machine politique, les écolos, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a de moins en moins de gens qui adhèrent à tout ça. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, mais tu vois, comme il y a des nouveaux, toutes des personnes qui ont écrit sur une nouvelle façon de créer la démocratie sans tous les partis, sans tout. Et il faut les connaître, il faut leur en parler. Et si je t'en parle, que j'en parle à ton voisin, ça va faire boule de neige, quoi. Donc c'est nouveau. Comme tu dis, rester éveillé et au courant pour que ça puisse se transmettre. Mais parce que, comme tu dis, cette histoire, elle est vieille comme le monde. Bien sûr, c'est pas nouveau. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bibliothèques entières. Ça veut dire, nous, on est là, on a quel âge ? Oui, c'est ça. Il y a des bibliothèques entières qui parlent de manger autrement, d'éduquer autrement. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est waouh, c'est. Ouais, faut continuer à croire. Tu te demandes dans quel monde on joue, quoi. C'est comme les enfants, moi, je trouve. Hein. Tu vois, j'ai des enfants et puis ils ont grandi, sont des ados. Tu leur dis merci, madame, ou merci, monsieur. Enfin, me dire merci. Et après, tu te rends compte, tu te dis, c'est à qui ? Et bim, 2 ans plus tard, tu vois, ils disent toujours pas merci d'une bonne façon. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible, c'était à qui ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le merci, quand même, c'est la base. Eh bien, c'est pas à qui ? Et c'est sans cesse que tu dois le répéter dans l'éducation. Tu leur dis, mais ça veut qu'ils te capotent. Tu leur dis, toi qui ne sont pas concernés, ben en fait... Mais je savais pas qu'il fallait baiser avec une capote. Je te l'ai dit 15 fois qu'il fallait baiser avec une capote. Oui, mais je me rendais pas compte. Mais maintenant, en fait, L'exemple est là de merci à avec ta capote. Non, c'est que tant que tu n'es pas concerné aussi, t'en as rien à foutre. C'est ça aussi. Je comprends bien ce que tu dis et de toute façon, on va boucler. Je te laisse les mots de la fin. Mais ce que j'avais juste envie de dire, c'est que je crois pas que c'est seulement que la société, il faudrait l'éduquer. Je pense qu'il y a c'est malsain, moi, je te le dis. Il y a des gens qui veulent pas la même chose que d'autres. Il y a des gens qui s'en foutent du commun, de la société dans son ensemble, qui veulent s'approprier les choses pour eux-mêmes. Enfin, tu vois, une pensée un peu psychopathe, quoi. Moi, je crois ça. Je crois qu'on est gouverné par des malades. Voilà. Après, c'est une autre question, mais qu'est-ce que... Les mots de la fin sur toute cette discussion, mais en même temps, tout tient la route. Hein. On parle du monde, de la société dans laquelle on est. On a parlé, tu as lu ton texte, on a essayé d'un peu décortiquer tout ça. Mais tu vois, là, peut-être la différence, oui, c'est de... Toi, on sent que tu as envie de bien faire, que tu es révolté de ce système injuste. Mais on n'a pas trop... Allez, concrètement, on n'a pas trop les moyens de changer la donne, quoi, au fond. Hein, si tu... Non ? Allez, soyons lucides. Dans notre quotidien, oui, on peut continuer à être sympa avec les gens qu'on rencontre, avec nos enfants, avec nos femmes, hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au fond, on n'a pas vraiment de prise sur les choses. Hein. On ne t'appelle pas à la table des négociations hein, pour tout ça. Oh, non, il y aura des autres personnes plus compétentes que moi. Mais non, il ne faut pas dire ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des grands malades qui sont des grands égoïstes, c'est une évidence, qui ne veulent pas faire bouger les choses. On n'a même pas encore dit dans le micro. Hein. Ouais, mais je te dis, ça reste que 5%. Et j'ai la volonté de croire que... Tu vois, regarde, j'ai posté un truc sur Facebook. T'as vu tous les commentaires, toi qui nous rejoins. Donc... Oui, mais tous les commentaires, qui... Enfin, ce serait marrant d'aller voir tous ces gens qui ont mis des commentaires... Parce que c'est tellement facile aussi, tu vois, on est assis, on envoie un commentaire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... Ouais, c'est bizarre, hein, tu vois, même les pétitions, on fait un petit clic, on met son... Tu vois, on n'a pas de prise, quoi, on n'a pas de prise sur les choses. Non, c'est vrai. À cette échelle-là, peut-être pas. Mais toi, il y aura toujours des personnes comme toi qui, dans le bus... disent, en fait, il n'y a pas de problème, il y a juste un mec qui pue. Non, mais moi, peut-être un moment donné, j'en aurais marre d'être comme ça, tu vois, aussi, tu vois, je veux dire... Mais c'est pas grave, parce que t'auras fait ce que t'as à faire, et du coup, t'auras éveillé et allumé des flammes chez les autres. Peut-être que les pélos qui étaient dans le bus avec toi, ils se sont dit, putain, la nana, elle a parlé, elle a dit ce que j'aurais pas osé dire, ah bah, ça va me donner le courage pour la prochaine fois. Oui, mais au bout du bout, qu'est-ce que ça change concrètement dans le fond, oui, ce type, on l'a pas éjecté dehors. Mais au fond, qu'est-ce que ça change sur sa condition, tu vois ? C'est ça, avoir la main, des prises sur le monde dans lequel on est, on n'en a pas beaucoup, quoi. Peut-être toi, ici, avec ton théâtre, tu te dis, quand les gens viennent voir des spectacles, il y a quand même, les gens sourient, les gens sortent avec des émotions, ça doit... Non ? Oui, déjà, chaque fois. À chaque fois, il y a quand même une rencontre qui se passe et que ce soit à travers des éclats de rire, des éclats de larmes, j'ai envie de dire. Une réflexion ici encore par rapport au dernier spectacle, il y a des gens qui disent « Ah, après ça, il y aura un avant et un après en moi. » Tu vois ? Ah ouais. Tu vois, donc, à travers tout ça, moi, je trouve que... Qu'est-ce que ça a changé à sa condition au mec ? Parce que son mec, il s'est dit « Putain, il y a une femme qui a parlé pour moi et j'ai pu faire mon trajet jusqu'au bout. » Eh ben après, peut-être que quand il sera sorti, il y aura peut-être quelqu'un qui dit ben, « Viens prendre une douche chez moi ». Enfin, tu n'en sais rien. Parce qu'il y en a. Il y a des personnes. Et je pense que si chacun avait cette conscience de l'autre, ça avancerait plus vite. Oui, mais je suis d'accord avec toi à fond, hein, Mano. Mais s'il y avait une politique là-haut qui était menée pour éradiquer la pauvreté, quoi, tu vois, c'est ça qui est... Et en fait, on peut de moins en moins compter sur elle, il paraît de plus en plus, quoi. C'est vraiment heureusement qu'il y a des gens comme toi qui se bougent les fesses. Mais c'est pour ça que ce serait intéressant d'aller parler, faire le micro ouvert avec les personnes de la lutte contre la pauvreté, contre la misère, quoi. J'ai déjà fait. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent ? Sur le changement, la volonté du non-changement sur la pauvreté. Bah, il laisse pas faire, il continue à se battre, il continue à... Voilà. Voilà. Je trouve que tant qu'il y aura des personnes qui continueront à se battre, ce serait terrible qu'on ne le fasse pas, Grazia. Même si je suis tout à fait d'accord avec toi, même s'il y a cette volonté de nous faire taire, de nous museler et de nous laisser dans leur choix et dans leur dictature de la fragmentation d'une société. Mais si on ne le fait pas, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Merci, Manu. Merci à toi.